Trinquebille, Putois, Riquet et plusieurs autres récits profitables, par Anatole France. Riquet, à J.A. Coulangeon. Le terme étant venu, M. Bergeret quittait avec sa sœur et sa fille la vieille maison ruinée de la rue de Seine pour s'aménager dans un moderne appartement de la rue de Vaugirard. Ainsi en avaient décidé Zoé et les destins. Durant les longues heures du déménagement, Riquet errait tristement dans l'appartement dévasté. Ses plus chères habitudes étaient contrariées, des hommes inconnus, mal vêtus, injurieux et farouches, troublaient son repos et venaient jusque dans la cuisine fouler aux pieds son assiette à pâté et son bol d'eau fraîche. Les chaises lui étaient enlevées à mesure qu'il s'y couchait et les tapis tiraient brusquement de dessous son pauvre derrière qui, dans sa propre maison, ne savait plus où se mettre. Disons à son honneur qu'il avait d'abord tenté de résister. Lors de l'enlèvement de la fontaine, il avait aboyé furieusement à l'ennemi. Mais, à son appel, personne n'était venu. Il ne se sentait point encouragé, et même, à n'en point douter, il était combattu. Mademoiselle Zoé lui avait dit sèchement « Tais-toi donc !» Et Mademoiselle Pauline avait ajouté « Riquet, tu es ridicule !» Renonçant désormais à donner des avertissements inutiles et à lutter seul pour le bien commun, il déplorait en silence les ruines de la maison et cherchait vainement de chambre en chambre un peu de tranquillité. Quand les déménageurs pénétraient dans la pièce où ils s'étaient réfugiés, ils se cachaient par prudence sous une table ou sous une commode qui demeurait encore. Mais cette précaution lui était plus nuisible qu'utile, car bientôt le meuble s'ébranlait sur lui, se soulevait, retombait en grondant et menaçait de l'écraser. Il fuyait, hagard et le poil rebroussé, et gagnait un autre abri qui n'était pas plus sûr que le premier. Et ces incommodités, ces périls même, étaient peu de choses auprès des peines qu'endurait son cœur. En lui, c'est le moral, comme on dit, qui était le plus affecté. Les meubles de l'appartement lui représentaient non des choses inertes, mais des êtres animés et bienveillants, des génies favorables, dont le départ présageait de cruels malheurs. Plats, sucriers, poêlons et casseroles, toutes les divinités de la cuisine, fauteuils, tapis, coussins, tous les fétiches du foyer, ses lares et ses dieux domestiques, s'en étaient allés. Il ne croyait pas qu'un si grand désastre pût jamais être réparé. Il en recevait autant de chagrin qu'en pouvait contenir sa petite âme. Heureusement que, semblable à l'âme humaine, elle était facile à distraire et prompte à l'oubli des maux. Durant les longues absences des déménageurs altérés, quand le balai de la vieille Angélique soulevait l'antique poussière du parquet, Riquet respirait une odeur de souris, épiait la fuite d'une araignée et sa pensée légère en était divertie. Mais il retombait bientôt dans la tristesse. Le jour du départ, voyant les choses empirer d'heure en heure, il se désola. Il lui parut spécialement funeste qu'on empilât le linge dans de sombres caisses. Pauline, avec un empressement joyeux, mettait ses robes dans une malle. Il se détourna d'elle comme si elle accomplissait une œuvre mauvaise. Et rencogné au mur, il pensait « Voilà le pire, c'est la fin de tout ». Et soit qu'il crût que les choses n'étaient plus quand il ne les voyait plus, soit qu'il évitât seulement un pénible spectacle, il prit soin de ne pas regarder du côté de Pauline. Le hasard voulut qu'en allant et venant, elle remarqua l'attitude de Riquet. Cette attitude était triste. Elle la trouva comique et se mit à rire, et en riant, elle l'appela « Viens, Riquet, viens !» Mais il ne bougea pas de son coin et ne tourna pas la tête. Il n'avait pas en ce moment le cœur à caresser sa jeune maîtresse, et par un secret instinct, par une sorte de pressentiment, il craignait d'approcher de la malbéante. Elle l'appela plusieurs fois, et comme il ne répondait pas, elle alla prendre et le souleva dans ses bras. « Qu'on est donc malheureux ! » lui dit-elle. « Qu'on est donc à plaindre ! » Son ton était ironique. Riquet ne comprenait pas l'ironie. Il restait dans les bras de Pauline, inerte et morne, et il affectait de ne rien voir et de ne rien entendre. « Riquet, regarde-moi » Elle fit trois fois cette objurgation et la fit trois fois en vain. Après quoi, simulant une violente colère, « Stupide animal, disparais !» Et elle le jeta dans la malle, dont elle renversa le couvercle sur lui. À ce moment, sa tante l'ayant appelée, elle sortit de la chambre, laissant Riquet dans la malle. Il y éprouvait une vive inquiétude. Il était à mille lieues de supposer qu'il avait été mis dans cette malle par simple jeu et par badinage. Estimant que sa situation était déjà assez fâcheuse, il s'efforça de ne point l'aggraver par son imprudence. Et il resta quelques instants immobile, sans souffler. puis il jugea utile d'explorer sa prison ténébreuse. Il tâta avec ses pattes les jupons et les chemises sur lesquels il avait été si misérablement précipité, et il chercha quelque issue pour sortir de ce lieu redoutable. Il s'y appliquait depuis 2 ou 3 minutes quand M. Bergeret, qui s'apprêtait à sortir, l'appela. « Viens, Riquet, viens, nous allons nous promener sur les quais. C'est le vrai pays de gloire. On y a bâti une gare d'une difformité supérieure et d'une laideur éclatante. L'architecture est un art perdu. On démolit la maison qui faisait l'angle de la rue du Bac et qui avait bon air. On la remplacera sans doute par quelque vilaine bâtisse. Puissent du moins nos architectes ne pas introduire sur le quai d'Orsay le style barbare dont ils ont donné à l'angle de la rue Washington sur l'avenue des Champs-Élysées un épouvantable exemple. Viens, Riquet, nous allons nous promener sur les quais. C'est le vrai pays de gloire. Mais l'architecture est bien déchue depuis le temps de Gabriel et de Louis. Où est le chien ? Riquet, Riquet !» La voix de M. Bergeret apporta à Riquet un grand réconfort. Il y répondait par le bruit de ses pattes qui, dans la malle, grattaient éperdument la paroi d'osier. « Où est le chien ?» demanda M. Bergeret à Pauline, qui revenait portant une pile de linge. « Papa, il est dans la malle !»« Comment est-il dans la malle ? Et pourquoi y est-il » demanda M. Bergeret. « Parce qu'il était stupide !» répondit Pauline. M. Bergeret délivra son ami. Riquet le suivit jusqu'à l'antichambre en agitant la queue. Puis une pensée traversa son esprit. Il rentra dans l'appartement, courut vers Pauline, se dressa contre les jupes de la jeune fille, et ce n'est qu'après les avoir embrassées tumultueusement en signe d'adoration qu'il rejoignit son maître dans l'escalier. Il aurait cru manquer de sagesse et de religion en ne donnant pas ses marques d'amour à une personne dont la puissance l'avait plongé dans une malle profonde. Dans la rue, M. Bergeret et son chien eurent le spectacle lamentable de leurs meubles domestiques étalés sur le trottoir. Pendant que les déménageurs étaient allés boire chez le mastroquet du coin, l'armoire à glace de Mademoiselle Zoé reflétait la file des passants, ouvriers, élèves des beaux-arts, filles, marchands, et les haquets, les fiacres et les tapissières, et la boutique du pharmacien avec ses bocaux et les serpents d'Esculape. À côté, à une borne, M. Bergeret, père, souriait dans son cadre avec un air de douceur et de finesse pâle et les cheveux en coup de vent. M. Bergeret considéra son père avec un respect affectueux et le retira du coin de la borne. Il rangea aussi à l'abri des offenses le petit guéridon de Zoé qui semblait honteux de se trouver dans la rue. Cependant, Riquet frotta de ses pattes les jambes de son maître, leva sur lui ses beaux yeux affligés et son regard disait « Toi, naguère, si riche et si puissant, est-ce que tu serais devenu pauvre ? Est-ce que tu serais devenu faible, ô mon maître ? Tu laisses des hommes couverts de haillonville envahir ton salon, ta chambre à coucher, ta salle à manger, se ruer sur tes meubles et les traîner dehors, traîner dans l'escalier ton fauteuil profond, ton fauteuil et le mien, le fauteuil où nous reposions tous les soirs et bien souvent le matin à côté l'un de l'autre ? Je l'ai entendu gémir dans les bras des hommes mal vêtus ce fauteuil qui est un grand fétiche et un esprit bienveillant. Tu ne t'es pas opposé à ces envahisseurs. Si tu n'as plus aucun des génies qui remplissaient ta demeure, si tu as perdu jusqu'à ces petites divinités que tu chaussais le matin au sortir du lit, ces pantoufles que je mordillais en jouant. Si tu es indigent et misérable, ô mon maître, que deviendrai-je ? Pensée de Riquet. Les hommes, les animaux, les pierres grandissent en s'approchant et deviennent énormes quand ils sont sur moi. Moi, non. Je demeure toujours aussi grand, partout où je suis. 2. Quand le maître me tend sous la table sa nourriture qu'il va mettre dans sa bouche, c'est pour me tenter et me punir si je succombe à la tentation, car je ne puis croire qu'il se prive pour moi. 3. L'odeur des chiens est délicieuse. 4. Mon maître me tient chaud quand je suis couché derrière lui, dans son fauteuil, et cela vient de ce qu'il est un dieu. Il y a aussi devant la cheminée une dalle chaude. Cette dalle est divine. 5. Je parle quand je veux. De la bouche du maître, il sort aussi des sons qui forment des sens. Mais ces sens sont bien moins distincts que ceux que j'exprime par les sons de ma voix. Dans ma bouche, tout a un sens. Dans celle du maître, il y a beaucoup de vains bruits. Il est difficile et nécessaire de deviner la pensée du maître. 6. Manger est bon. avoir mangé est meilleur, car l'ennemi qui vous épie pour prendre votre nourriture est prompt et subtil. 7. Tout passe et se succède. Moi seul, je demeure. 8. Je suis toujours au milieu de tout, et les hommes, les animaux et les choses sont rangés, hostiles ou favorables, autour de moi. 9. On voit dans le sommeil des hommes, des chiens, des maisons, des arbres, des formes aimables ou des formes terribles. Et quand on s'éveille, ces formes ont disparu. 10. Méditation. J'aime mon maître bergeret parce qu'il est puissant et terrible. 11. Une action pour laquelle on a été frappé est une mauvaise action. Une action pour laquelle on a reçu des caresses ou de la nourriture est une bonne action. 12. À la tombée de la nuit, des puissances malfaisantes rôdent autour de la maison. J'aboie pour que le maître avertit les chasse. 13. Prière. Ô mon maître bergeret, Dieu du carnage, je t'adore. Terrible, sois loué. Sois loué, favorable. Je rampe à tes pieds, je te lèche les mains. Tu es très grand et très beau quand tu dévores, devant la table dressée, des viandes abondantes. Tu es très grand et très beau quand d'un mince éclat de bois, faisant jaillir la flamme, tu changes la nuit en jour. Garde-moi dans ta maison à l'exclusion de tout autre chien. Et toi, angélique la cuisinière, divinité très bonne et très grande, je te crains et je te vénère afin que tu me donnes beaucoup à manger. 14. Un chien qui n'a pas de piété envers les hommes et qui méprise les fétiches assemblés dans la maison du maître mène une vie errante et misérable. 15. Un jour, un broc percé, rempli d'eau, qui traversait le salon, mouilla le parquet ciré. Je pense que ce broc malpropre fut fessé. 16. Les hommes exercent cette puissance divine d'ouvrir toutes les portes. Je n'en puis ouvrir seul qu'un petit nombre. Les portes sont de grands fétiches qui n'obéissent pas volontiers aux chiens. 17. La vie d'un chien est pleine de dangers, et pour éviter la souffrance, il faut veiller à toute heure, pendant les repas, et même pendant le sommeil. 18. On ne sait jamais si l'on a bien agi envers les hommes. Il faut les adorer sans chercher à les comprendre. Leur sagesse est mystérieuse. 19. Invocation. Ô peur, peur auguste et maternelle, peur sainte et salutaire, pénètre en moi, emplis-moi dans le danger, afin que j'évite ce qui pourrait me nuire, et de craindre que, me jetant sur un ennemi, j'aie à souffrir de mon imprudence. 20. Il y a des voitures que des chevaux traînent par les rues. Elles sont terribles. Il y a des voitures qui vont toutes seules en soufflant très fort. Celles-là aussi sont pleines d'inimitié. Les hommes en haillons sont haïssables, et ceux aussi qui portent des paniers sur leur tête et qui roulent des tonneaux. Je n'aime pas les enfants qui, se cherchant, se fuyant, courent et poussent de grands cris dans les rues. Le monde est plein de choses hostiles et redoutables.